Sixièmement, méthode pédagogique. À toute société correspond une pédagogie. Les hommes d'État, dignes de ce nom, connaissent bien la puissance de l'éducation. Ils savent quelle est la base et la garantie des institutions d'un pays. Aucune transformation sérieuse dans les idées et dans les mœurs ne s'accomplit que par elle. L'homme reste ce qu'il est, mais on fait de l'enfant ce qu'on veut. Nous en appelons ici à la compétence de tous les vrais pédagogues. Les élèves d'un maître sont semblables à ces végétaux naissants qu'on courbe vers le sol et qui croisent dans cette position. Par l'effet de l'habitude, du milieu, de l'entraînement, on les dresse pour telle fin qu'on se propose. Nous pouvons donc formuler ce principe. Les sociétés sont ce que les gouvernements veulent qu'elles soient. Il ne s'y commet que les délits qu'on veut avoir à réprimer. Il n'y a de vagabonds, d'assassins et de voleurs que ceux que l'éducation et les nécessités de la vie ont rendus tels. Prétendre les extirper de la société au moyen de l'échafaud et de la prison est aussi ridicule que de vouloir tarir la Seine, au-dessous de Paris, avec des paniers percés. Pierre a volé parce qu'il n'avait pas de travail et parce qu'il avait faim. On aura beau le condamner à toutes les peines imaginables, rien n'empêchera Paul de le limiter dès qu'il se trouvera dans la même situation. Ce n'est pas le voleur qu'il faut punir, ce sont les causes du vol qu'il faut faire disparaître. Autrement dit, il faut commencer par le commencement. Si nous voulons une société égalitaire, nous devons la préparer. Pour cela, nous prenons tous les enfants, dès le plus bas âge, avant qu'ils aient contracté de mauvaises habitudes. Nous leur donnons à tous les mêmes soins, la même nourriture, la même instruction. Contrairement à ce qui se pratique aujourd'hui, nous construisons nos écoles hors des villes, en de belles campagnes, où l'air est pur, où la vie est calme, où l'espace n'est jamais mesuré avec parcimonie. Ce sont de nombreux pavillons, d'immenses salles de gymnastique, des cours et des jardins, avec des classes même en plein air, des bibliothèques, des musées de toutes sortes, et dont l'ensemble clos par un vaste mur d'enceinte forme une ville d'enfants. Garçons et filles, mêlés sans distinction de sexe, y reçoivent l'instruction intégrale, quel que soit le travail auquel on les destine. Plus l'homme est instruit, plus il produit. Il est donc pour nous du plus haut intérêt de prodiguer la science à chaque individu. Nous élevons tous les enfants comme les fils d'une même mère, pour vivre des bienfaits de l'association universelle, non pour s'entre-dévorer, comme certains animaux. La tâche de l'instituteur consiste à surveiller en eux le développement régulier des facultés intellectuelles, à les préserver des accidents, à leur faire comprendre les avantages de la solidarité. Il est facile de leur enseigner la morale. Le bien est un acte harmonique à la fin générale. Du moment qu'ils sont solidaires, tout ce qui atteint leurs semblables les atteint, et réciproquement. Dès qu'ils sont raisonnables, ils font nécessairement le bien, de même que l'eau suit la pente, parce qu'ils y ont intérêt, parce que le bien est la conséquence d'une organisation parfaite. Cette méthode pédagogique ne peut manquer de produire l'uniformité de la santé physique, des mœurs, de l'instruction et par suite celle des intelligences. L'internat absolu est la meilleure préparation à la vie sociale. Les enfants n'y ont pas sous les yeux les discordes, les haines ou les jalousies de leurs parents, et leur affection, au lieu d'être comprimée dans le cercle étroit d'une famille, s'étend sur tous ceux qui les entourent. Tout en gardant conscience de leur personnalité, ils perdent tout sentiment d'individualisme, parce qu'ils savent que leur bonheur est dans celui de la collectivité. En résumé, l'école est pour eux une petite société, un apprentissage de la vie. Notre programme d'études comprend les connaissances indispensables à l'homme civilisé. Commun aux deux sexes, il se divise en quatre parties. Littérature, science, histoire, arts agréables. Quand il a été parcouru en entier, l'instruction fondamentale est achevée. Les enfants atteignent de 16 à 18 ans. Alors commence l'enseignement professionnel et spécial. Celui qui doit cultiver la terre étudie l'agriculture. Le mécanicien suit des cours supplémentaires de physique, de géométrie, de mécanique. Le professeur approfondit la littérature et la pédagogie. Mais terrassier, comptable ou médecin, chacun possède un fonds d'instruction égal. La seule différence est dans la spécialité de la profession choisie. Un maçon, un menuisier, sait aussi bien parler et aussi élégant, aussi bien élevé qu'un ingénieur ou un architecte. Dans les salons, il est aimable et spirituel. Il s'entretient des choses de l'art ou discute les questions scientifiques. Après ses heures de travail, il fait quelquefois de la peinture ou des verres. Enfin, il a toutes les qualités, savoir, urbanité, délicatesse, goût, puisqu'à l'école, on lui a tout appris.